Tentation par André Theuriet. Chapitre 1er. Antoine de Couvrouvre entrebâilla la fenêtre de la chambre qu'il occupait à l'auberge du Cocardi et poussa les volets. Un blond ray de soleil descendit obliquement sur le carrelage nu, et avec lui entra le tintement de l'horloge qui sonnait 7 heures à l'église de Florent. Le village était déjà en rumeur. On déchargeait des fagots devant la porte du boulanger. La forge du maréchal Ferrand résonnait de coups de marteau et des voix d'enfants piaillaient sur la place. « Bigre, se dit Antoine, il est temps de se harnacher. » Vivement, il plongea sa tête dans une cuvette d'eau fraîche, s'ébroua, s'essuya, et, ses ablutions une fois terminées, revêtit un complet de gros drap marron, passa par-dessus une courte blouse bleue flottante, boucla ses guêtres de toile bise. « Là » fit-il en se campant devant la glace de la cheminée. À travers les défauts du teint et les salissures des mouches, le miroir lui renvoya la gaillarde image d'un solide garçon de 30 ans. Le cou allé bien dégagé des épaules, les cheveux légèrement crépus, la barbe brune bien plantée, la bouche arnue et gourmande. Il avait le teint coloré des gens sanguins. Les yeux bleus, limpides et francs, riaient sous les sourcils noirs. Le nez long, gros du bout, aux narines gonflées, le front haut et un tantinet fuyant, lui donnaient une vague ressemblance avec le portrait de François Ier. « Occupons-nous du fourniment, » murmura-t-il en furetant par la chambre. Il décrocha un carnier dans lequel il fourra une chemise blanche, un gilet de laine, des chaussettes, des mouchoirs et de menus objets de toilette. Il jeta le carnier sur son épaule, prit son fusil, coiffa un feutre gris à large bord. « Et maintenant, » soupira-t-il, « allons-y. » Une moue un peu ennuyée rapprochait ses lèvres tandis qu'il descendait le roi d'escalier menant au rez-de-chaussée. Une visible préoccupation plissait son front ordinairement lisse et insoucieux comme celui d'un enfant. Dans la cuisine où le soleil piquait de points lumineux les chaudrons et les casseroles de cuivre, la propriétaire de l'auberge, Madame Reine Jolie, une veuve de 32 ans, fraîche, potelée et encore appétissante, travaillait autour de la cheminée tout en gourmandant sa servante. « Bonjour, Madame Jolie, bonjour, la Madelon, » dit Couvrouvre. Immédiatement, les yeux gris de la veuve s'éclaircirent, son cou se gonfla, et d'une voix du pigeon qui roucoule. « Bonjour donc, monsieur Antoine. Je vous ai entendu fourrager là-haut, et j'ai deviné que vous alliez descendre. Venez, votre soupe est prête. » Elle ouvrit une porte de communication et pénétra avec son pensionnaire dans la salle à manger, où ils restèrent tous deux en tête à tête. Sur la table de toile cirée, un couvert était dressé à côté d'une soupière d'où s'échappait une odorante vapeur de soupe au fromage. Madame Jolie, une main appuyée à la table, le corps penché en avant, dans une posture qui mettait en valeur la ligne de sa nuque blanche et de son dos, plongea la poche dans la soupière, puis servit une pleine assiettée à son hôte qui déposa son fusil dans une encoignure et se mit à manger avec une componction silencieuse. Madame Jolie le regardait admirativement comme si elle n'avait jamais vu quelqu'un déguster avec autant de grâce et de recueillement une soupe au fromage. « Est-elle à votre goût ?» demanda-t-elle en souriant. « Parfaite, cher ami. Dans toute la forêt d'Argonne, je ne connais pas une ménagère dont la cuisine baille la vôtre. » Le grassouillet minois chiffonné de Madame Jolie s'épanouit, tandis que Couvrouvre débouchait la bouteille de vin blanc et avalait une rasade par-dessus son potage. Brusquement, il se leva, après avoir passé sa serviette sur ses lèvres. « Quoi, déjà ?» s'exclama la veuve d'un ton de reproche. « Oui, ma chère enfant, je m'en vais, » murmura Antoine avec une nuance d'embarras. « Rentrerez-vous pour midi ?»« Non, mon Dieu, non. »« Alors, à ce soir, » reprit l'hôtesse en posant câlinement ses deux mains sur l'épaule de son hôte et en se haussant sur la pointe des pieds comme pour placer sa bouche au niveau des lèvres de Couvrouvre. « Ma toute belle, » répondit-il résolument, « ne m'attendez ni ce soir ni demain. Je suis obligé de vous quitter à mon grand regret. » Une stupéfaction chagrine rembrunit l'amoureuse frimousse de Madame Jolie. ses paupières battirent comme si elle voulait pleurer. Sa voix s'altéra. « Quoi, méchant garçon ? » balbutia-t-elle. « Vous partez. Quelle mouche vous pique ? N'êtes-vous pas bien ici ? Trop bien, cher ami, vous m'avez gâté. J'en prendrai l'habitude et après, le changement me paraîtrait trop pénible. « Et pourquoi changeriez-vous ? » insista-t-elle, avec une intonation de caresse suppliante, semblable à celle d'une chatte qui miaule en se frôlant pour avoir du lait. « N'êtes-vous pas ici comme chez vous, vilain coureur ? Vous savez bien quel plaisir vous me faites en restant mon pensionnaire. » Elle le regardait en dessous et tournait nerveusement autour de ses doigts les cordons de son tablier. « Je ne suis pas un pensionnaire sérieux, » répliqua brièvement Couvre, « puisque je ne paye pas mon écho. « Pourquoi me dites-vous de pareilles choses, monsieur Antoine ? Est-ce que j'ai honte d'accepter le gibier que vous m'apportez tous les soirs ? D'après votre raisonnement, je devrais vous le payer moi aussi, et si nous comptions ensemble, je serais grandement votre débiteur, » interrompit Antoine. « Non, ma chère reine, » ajouta-t-il péremptoirement, « il y a des services qu'un galant homme ne peut accepter d'une femme, surtout d'une très jolie femme. « Enjôleur, » chuchota-t-elle tristement, « vous ne m'aimez plus. Je vous aime tout plein, au contraire, et je n'oublierai jamais les bons moments que j'ai passés avec vous. Mais quoi ? Il ne faut pas abuser des meilleures choses, et puis voyez-vous, j'ai du sang d'écureuil dans les veines, et je ne puis percher longtemps sur la même branche. Ah oui, vous l'êtes, changeant. Vous n'avez pas volé votre surnom, et vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à l'homme de la chanson. Ce cageant du bois vert, il en est bientôt là. Veuve, femme ou fillette, il n'aime de bon cœur verdurette que celle qu'il n'a pas. » « Il y a un peu de ça, » avoua cyniquement Courouvre, en jetant son fusil sur son épaule. « Que voulez-vous, on ne se refait point. Au revoir, ma reine, et merci. » « Au revoir donc, grand mauvais sujet. Eh bien, vous partez comme ça, sans seulement m'embrasser. Pardon, » dit-il en la prenant par la taille et en lui posant sur les yeux de gentils baisers. « Vous êtes aussi bonne que charmante, reine, et tout de même, je vous garde la meilleure place dans mon cœur. » Elle restait dans ses bras, tout alanguie, les yeux noyés, la gorge pleine de sanglots. « Ah ! » soupira-t-elle, « si vous aviez voulu. »« Allons, » reprit doucement Antoine en dénouant ses bras, « soyons raisonnables. » Il ouvrit la porte de communication et rentra dans la cuisine, que le madelon, rouge et ébouriffé, lavait à grande eau. Madame Joly le suivait, dolente. Elle l'accompagnait jusqu'au bas de l'escalier, dans la rue inondée de soleil. « Au revoir, madame Reine, » ajouta-t-il. « Au revoir, monsieur Antoine, et que ce soit bientôt. Vous savez, quand vous repasserez par chez vous, vous serez toujours le bien reçu. » Il était déjà en bas des marches et prenait la direction de la forêt. Elle le regardait s'éloigner et essuyait du bout des doigts ses yeux humides. Quand il eut disparu à l'angle de la place, elle rentra lentement dans sa plaisante auberge du Cocardi, maintenant privée de l'hôte qui justifiait si bien le titre de l'enseigne. Courouvre, cependant, continuait sa route, un peu mélancolisé lui-même par ce brusque adieu, mais au fond, passablement soulagé, en songeant que la séparation s'était effectuée sans cris et sans scène de larmes. Sur le seuil des portes, des femmes et des enfants étaient occupés à éplucher des paniers de cèpes, car en septembre, ces bolets foisonnent dans la forêt. Une pénétrante odeur de champignons arrivait jusqu'aux narines d'Antoine, et lui remémorait la plantureuse cuisine du Cocardi. Peu à peu, les habitations s'espacèrent. À l'extrémité d'un chemin creux bordé d'aubépines, il vit s'entrecroiser les ramures déjà roussies des faillards. Quelques minutes après, il était en pleine futaie. Dans une pénombre traversée d'obliques filtrées de soleil, les fûts lisses des hêtres s'élançaient mêlés aux troncs rugueux des chênes. Ça et là, parmi les broussailles, des touches de lumière glaçaient d'argent la verdure lustrée des lierres et des pervenches. Entre les hautes tiges des fougères, des toiles d'araignées se balançaient, humides de gouttes de rosée. Des coins bleus se laissaient apercevoir dans l'entrecroisement des branches. Une moite odeur de bois émanait des feuilles tombées, et de temps à autre un rouge-gorge chantait menu dans les ramures. Courouvre jouissait voluptueusement de toutes ces choses. Il humait les senteurs forestières, et à chaque instant croyait boire une lampée de liberté reconquise. La mélancolie inséparable des départs s'évaporait en lui avec la rosée. comme pour répondre au tire-lit des rouges-gorges et pour s'affirmer à lui-même qu'il avait rompu le filet dans lequel il s'était un moment laissé prendre. Il se mit à siffler puis à fredonner à mi-voix la chanson de Jean du Bois Vert. Oui, Jean du Bois Vert qui s'en va à la chasse au tendron. Les blondes et les brunes, verdurette, les blondes et les brunes, il n'en manque pas une. Dès qu'il entrait dans les bois, il se sentait chez lui. Le sang vif et chaud de toute une lignée d'ancêtres amoureux de vagabondage et de franche lipée bouillait dans ses veines. Antoine de Courouvre était le fils d'un gentilhomme verrier. Il se souvenait avec un soupir de regret de son adolescence où les ouvreaux de la verrerie de Clahon flambaient jour et nuit. La maison paternelle était alors un rendez-vous de chasse joyeuse et de grasse ripaille. En ce temps-là, on gagnait gros et on dépensait de même. Mais après la mort de Madame de Courouvre mère, maîtresse-femme, qui faisait seule régner dans le ménage un peu d'ordre, les affaires avaient été en déclinant. Les grands établissements du Nord, les verreries à la houille, portaient un grand préjudice aux verreries au charbon. Bien que le vieux Courouvre eût associé son fils, dès sa majorité, à la direction de l'usine, la maison continuait de péricliter. Les dépenses restaient les mêmes, tandis que les gains diminuaient, et à la disparition d'Élie de Courouvre, mort d'un coup de sang, la verrerie se trouvait criblée d'hypothèques. Il fallut éteindre les fourneaux et vendre. Antoine fut réduit à entrer comme employé subalterne à la verrerie des Ilettes, chez les Danlou, qui seul avait eu assez d'industrie pour lutter contre les établissements du Nord. Pour ce garçon, habitué à une vie indépendante, la transition était trop pénible. L'assiduité, le travail régulier et la discipline répugnaient à son tempérament de coureur de bois. Pourtant, le maître verrier, Bernard de Danlou, qui était un peu son parent, avait usé de patience. Mais les affaires sont les affaires. Monsieur de Danlou était un industriel. Un beau jour, il mandait Antoine dans son bureau et lui disait carrément « Mon camarade, je t'aime beaucoup et si j'étais millionnaire, je te donnerais des appointements, rien que pour le plaisir de vivre en ta compagnie. Seulement, je n'ai pas de millions et j'ai besoin d'employés sérieux. Je me vois donc obligé de me séparer de toi. Nous n'en serons pas moins bons amis et quand tu passeras par les Ilettes, tu me feras grand plaisir en venant me demander à dîner. » Antoine convint lui-même de la justesse de ce raisonnement. Le métier de gratte-papier n'était pas du tout dans ses cordes, et il avait conscience de mal gagner ses appointements. Ils se quittèrent sans rancune, et Courouvre, à 25 ans, se trouva sur le pavé, n'ayant pour toute ressource qu'une rente de 600 francs, incessible et insaisissable, qu'il promenait du chef de sa mère. Un autre se fût désespéré, mais Antoine possédait un fond de jovialité et d'insouciance qui lui rendait moins sensible les coups de la mauvaise fortune. Au lieu de se laisser déprimer par l'inquiétude, il regimbait comme une balle élastique. Il était débrouillard et la semaine d'après, il avait su arranger sa vie. À la vérité, les gens rigides estimaient que cet arrangement frisait de près l'incorrection et l'immoralité. Mais Courouvre, vu l'étrange éducation qu'il avait reçue, se moquait du « qu'en dira-t-on » et se souciait comme d'un fétu de l'opinion des sacrés matins. C'est ainsi que les verriers appellent les bourgeoises et en général les gens qui ne soufflent pas la bouteille. Voici donc comme il avait organisé son existence. Il ne manquait pas d'amis dans le pays d'Argonne. Son caractère enjoué, son habileté à tous les exercices du corps, lui ouvraient à deux battants les portes des viveurs du voisinage. Il n'y avait pas une pêche dans les étangs de la Bièmme, une battue dans la forêt de la Chalade, une grande chasse au bois où il ne fut convié. Ces festivités cynégétiques, qui se renouvelaient souvent et réunissaient les meilleurs fusées du canton, étaient agrémentées de longs soupers à la suite desquels on cartonnait jusqu'au matin. À l'écarté, au baccarat et à la bouillotte, Antoine de Courouvre, par une grâce d'état, était aussi fort qu'à la chasse. Il avait du sang-froid, du flair et de la chance et tirait du jeu le plus clair de son revenu. On aime les cartes en ce pays forestier. Antoine connaissait toutes les auberges où les amateurs de mouches avaient coutume de se rassembler, et quand les parties de chasse chômaient, ou quand il était fatigué de la compagnie des obreaux et des gros bourgeois, il ne dédaignait pas d'aller gîter dans un de ces cabarets hospitaliers où on l'accueillait en ami, surtout quand la cabaretière était jeune et d'aimable humeur. Il payait presque toujours son écot avec ses gains, et si par hasard la fortune lui était contraire, bien souvent l'hôtesse lui faisait crédit sur sa bonne mine, car en dépit du proverbe, il était heureux au jeu et heureux en amour. Ce grand garçon, bien musclé, aux yeux enjôleurs et à la gaieté communicative, ensorcelait toutes les femmes. Partout où le poussait sa fantaisie vagabonde, dans les gentilhommières délabrées de la vallée de la Bièmes ou dans les maisons bourgeoises des marchands du bois de Clermontois, sous les huttes des bûcherons ou sous l'auvent des auberges du village, il ne rencontrait guère de cruels. C'est qu'indépendamment de son bel aplomb et de sa mâle tournure, il possédait un filtre qui enivrait toujours les cœurs féminins, une tendresse fondante mêlée de chevaleresque galanterie. Il ne trichait jamais ni au jeu ni en amour. Chez lui, le désir satisfait n'attilissait pas les sentiments affectifs. À celle qui se donnait, il savait adoucir le remords du péché par un redoublement de câlinerie et d'amoureuse gratitude. Il récompensait leur faiblesse par de si ferventes actions de grâce, il avait de si charmants lendemains d'amour, que ses victimes, fières de l'avoir rendu heureux, ne lui gardaient pas rancune quand son caprice l'entraînait ailleurs. Il s'y prenait si bien que chacune de ses maîtresses demeurait convaincue qu'elle seule garderait la meilleure part de son cœur. Et ainsi, tout en étant le plus inconstant des amoureux, il restait pour les délaisser le plus courtois des amis. Naturellement, les gens rangés de mœurs correctes se scandalisaient fort d'un pareil genre de vie. Parmi la société bien pensante du canton, Antoine de Courouvre, ou comme on l'appelait ironiquement Jean du Bois Vert, avait la détestable réputation d'un joueur et d'un débauché. À vrai dire, la fréquentation des tripots et cette existence de coureur de guilloudou finissaient par tarer un peu le caractère du dernier des Courouvres. Il se formait autour de son cœur certains calus qui pervertissaient en lui le sens moral. Néanmoins, en son par-dedans, une noblesse native subsistait. Comme en un jardin muré, il gardait au fond de l'âme des fleurs de délicatesse et de générosité. Il plumait sans remords un sacré matin à l'écarté, ou prenait sans vergogne la femme d'autrui. Mais il était pitoyable aux faibles et aux malheureux, doux aux petits. On ne faisait jamais en vain appel à sa bonté, et il se serait tué plutôt que manquer à une parole donnée.